Exposition de la Salutation angélique par saint Thomas d'Aquin. La Salutation angélique comprend trois parties. L'ange compose la première. Voici ses paroles d'après la Vulgate. Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. La deuxième partie est l'œuvre d'Élisabeth, la mère de saint Jean-Baptiste. Celle-ci s'exprima ainsi : Béni est le fruit de vos entrailles. L'Église a ajouté la troisième partie : Marie. L'ange en effet n'a pas dit : Je vous salue, Marie, mais Je vous salue, pleine de grâce. Ce nom de Marie, par sa signification, comme on le verra plus loin, s'harmonise avec les paroles de l'ange Gabriel. Premier paragraphe. Explication de la salutation de l'ange Gabriel. Je vous salue. Dans l'Antiquité, l'apparition des anges aux hommes constituait un événement d'une très grande portée, et les hommes tenaient pour un honneur inestimable de pouvoir témoigner aux anges leur vénération. Aussi l'Écriture loue-t-elle Abraham d'avoir donné à des anges l'hospitalité et de les avoir traités avec beaucoup d'honneur. Mais qu'un ange se fût incliné devant une créature humaine, on ne l'avait jamais entendu dire, avant que l'archange Gabriel eût exprimé sa vénération à la bienheureuse Vierge. Par ces paroles, je vous salue. Si dans l'Antiquité l'homme révérait l'ange, et l'ange ne révérait pas l'homme, la raison en était la supériorité de l'ange par rapport à l'homme. Cette supériorité se manifeste de trois manières. Premièrement, l'ange est supérieur à l'homme en dignité, du fait de sa nature spirituelle. Il est écrit en effet au psaume 103 « D'être spirituel, Dieu a fait ses anges. » Mais l'homme, lui, est d'une nature corruptible. C'est pourquoi Abraham disait à Dieu : Je parlerai à mon Dieu, moi cendre et poussière. Il ne convenait pas qu'une créature spirituelle et incorruptible rendît hommage à une créature corruptible. En second lieu, l'ange surpasse l'homme par sa familiarité avec Dieu. L'ange en effet appartient à la famille de Dieu. Il se tient auprès de lui. Des milliers de milliers d'anges le servaient, et 10 milliers de centaines de milliers d'anges se tenaient en sa présence, est-il écrit au livre de Daniel. Mais l'homme, lui, est comme étranger à Dieu, comme exilé, loin de sa face, par le péché. Suivant cette parole du psalmiste, « Je me suis éloigné de mon Dieu par la fuite ». Il convient donc que l'homme honore l'ange à cause de sa proximité avec la majesté divine et de son intimité avec elle. En troisième lieu, l'ange est élevé au-dessus de l'homme par la plénitude de la splendeur de sa grâce divine. Les anges en effet participent avec la plus grande plénitude à la lumière divine elle-même. Peut-on dénombrer les soldats de Dieu, dit Job, et en est-il un seul sur lequel ne se lève sa lumière? Aussi les anges apparaissent-ils toujours lumineux. Les hommes, eux, participent bien à cette lumière de grâce, mais avec parcimonie et comme dans un clair-obscur. Il ne convenait donc pas que l'ange s'inclinât devant l'homme. Jusqu'au jour où parut une créature humaine, surpassant les anges par sa plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu et par sa dignité. Cette créature humaine fut la bienheureuse Vierge Marie. Pour reconnaître cette supériorité, l'ange lui témoigna sa vénération par ces paroles « Je vous salue ». Il ne convenait pas que l'ange s'inclina devant l'homme, jusqu'au jour où parut une créature humaine surpassant l'ange, par sa plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu et par sa dignité.

Il est avec elles comme son fils. Avec eux, il demeure comme leur Seigneur. Le Seigneur Esprit Saint est avec Marie, comme dans le temple où il opère. L'archange lui avait annoncé, l'Esprit Saint viendra sur vous. Marie conçut en effet par l'effet du Saint-Esprit. Aussi nous l'appelons temple du Seigneur et sanctuaire de l'Esprit Saint. La bienheureuse Vierge Marie jouit donc d'une intimité plus grande avec Dieu que la créature angélique. Avec elle en effet est le Seigneur Père, le Seigneur Fils, le Seigneur Esprit Saint, la Trinité tout entière. C'est pourquoi la Sainte Église lui chante « Vous êtes le digne trône de toute la Trinité ». Assurément cette parole « Le Seigneur est avec vous » est la parole la plus noble, la plus louangeuse qui puisse être adressée à la Vierge. Marie. La Vierge est en effet la mère du souverain Seigneur, et donc elle-même souveraine. Aussi ce nom de Marie, qui en syriaque signifie précisément « souveraine », lui convient-il parfaitement. Le troisième titre par lequel la bienheureuse Vierge surpasse les anges est sa dignité ou pureté. Non seulement en effet elle posséda en elle-même la pureté, mais encore elle procura la pureté aux autres. Et d'autre part, elle fut parfaitement pure et de tout péché. Car cette Vierge fut préservée du péché originel, et elle ne commit aucun péché mortel ou véniel. Et de toute peine, elle fut pure. Dernière partie, l'explication de la salutation de Sainte Élisabeth. La salutation angélique en effet comprend trois parties. L'ange compose la première, la deuxième est l'œuvre d'Élisabeth, et l'Église a ajouté la troisième partie, Marie. Nous allons voir d'abord, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Trois malédictions furent en effet, à cause du péché, portées par Dieu contre les hommes. La première fut prononcée contre la femme, la seconde contre l'homme, et la troisième fut commuée à l'homme et à la femme. La première malédiction fut portée contre la femme. En vertu de cette malédiction, celle-ci devait porter ses enfants avec peine et les enfanter dans la douleur. Mais la bienheureuse Vierge ne fut pas soumise à ces peines. Elle conçut en effet le Sauveur sans corruption. Elle le porta allègrement et l'enfanta dans la joie. À elle s'applique excellemment la parole d'Isaïe, « La terre germera, elle exultera, elle chantera des louanges. » La deuxième malédiction fut prononcée contre l'homme. En voici la teneur rapportée dans la Genèse, « À la sueur de ton visage tu mangeras ton pain. » La bienheureuse Vierge fut exempte de cette peine. Comme le dit l'apôtre en effet dans son épître aux Corinthiens, les vierges sont affranchies des soucis de ce monde. Elle va qu'à Dieu seul. La troisième malédiction fut commune à l'homme et à la femme. En vertu de cette malédiction, l'un et l'autre doivent retourner à la poussière. La bienheureuse Vierge en a été également préservée. Elle fut en effet enlevée au ciel avec son corps. Nous croyons en effet qu'elle a été ressuscitée après sa mort et emportée au ciel. Aussi lui applique-t-on très justement ces paroles du psaume 131. Levez-vous, Seigneur, pour le lieu de votre repos, vous et l'arche de votre sainteté. La Vierge fut donc exempte de toute malédiction et bénie entre les femmes. Elle seule, en effet, leva la malédiction, apporta la bénédiction et ouvrit les portes du paradis. À ce titre, le nom de Marie lui convient. Marie signifie en effet « étoile de la mer ». Comme les navigateurs par l'étoile de la mer sont conduits vers le port, ainsi par Marie les chrétiens sont conduits vers la gloire. Saint Thomas d'Aquin commente maintenant la seconde partie de la salutation de Sainte Élisabeth, « Le fruit de vos entrailles est béni ». Le pécheur cherche parfois dans quelque chose ou quelqu'un ce qu'il ne peut obtenir, mais que le juste lui obtient. La richesse du pécheur est gardée pour le juste, disent les proverbes. Ainsi, Ève rechercha un fruit, sans trouver en lui la satisfaction de ses désirs. La bienheureuse Vierge, au contraire, trouva dans son fruit tout ce qu'Ève désira. Ève, en effet, désira dans son fruit trois choses. Elle désira y trouver d'abord sa déification et celle d'Adam, promise mensongèrement par le diable. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, lui dit ce menteur. Le diable mentit parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et par la mendication du fruit, Ève, loin de devenir semblable à Dieu, lui devint dissemblable. Par son péché, en effet, elle s'éloigna de Dieu, son sauveur, et c'est pourquoi elle fut expulsée du paradis. La Vierge bienheureuse, au contraire, trouva sa déification dans le fruit de ses entrailles. Par le Christ, en effet, nous nous unissons à Dieu et lui devenons semblables. Lorsque Dieu se manifestera, dit saint Jean, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ève, en second lieu, désira trouver dans son fruit la joie de la délectation. Car, dit la Genèse, ce fruit était bon à manger. Mais elle ne l'y trouva pas. Dès qu'elle l'eut mangé, en effet, elle prit conscience de sa nudité, et la douleur entra dans sa vie. Dans le fruit de la Vierge, au contraire, nous trouvons la suavité et le salut. Celui qui mange ma chair, dit en effet le Seigneur, possède la vie éternelle. En troisième lieu, enfin, le fruit d'Ève était séduisant à voir. Mais combien plus beau est le fruit de la Vierge, sur lequel les anges désirent plonger leurs regards. C'est le plus beau des fils des hommes, dit le psalmiste, parce qu'il est, déclare saint Paul, la splendeur de la gloire de son Père. Ève ne put donc trouver dans son fruit ce qu'aucun pécheur ne trouvera dans ses péchés. Aussi tout ce que nous pouvons désirer, recherchons-le dans le fruit de la Vierge. Saint Thomas d'Aquin expose en conclusion la triple bénédiction de ce fruit de la Vierge. Ce fruit de la Vierge Marie est béni de Dieu. Dieu en effet l'a tellement rempli de grâce que sa vue rend déjà honneur à Dieu. Béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, déclare saint Paul, dans le Christ, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Ce fruit de la Vierge est béni des anges. L'Apocalypse nous montre en effet les anges tombant la face contre terre et adorant le Christ. Par ses chants, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu dans les éternités d'éternité. Amen. Le fruit de la Vierge est aussi béni des hommes, car, dit l'apôtre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et le psalmiste lui-même, au psaume 117, le salue en ces termes: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi donc, la Vierge est bénie, mais son fruit l'est encore bien davantage. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Genuisti qui te fecit et in aeternum permanes Virgo.